Introduction, la montée des vibrations, comment se connecter à notre soi profond? Dans un monde rempli de distractions et de bruits constants, de nombreuses personnes recherchent une connexion plus profonde avec leur moi intérieur. Ils désirent puiser dans un sens profond du but, de la paix et de l'authenticité. Cette quête a conduit les gens à explorer le concept de vibration, la fréquence énergétique qui imprègne tous les aspects de notre existence. Comprendre et exploiter le pouvoir des vibrations peut fournir une passerelle pour libérer notre moi profond. Cet article se penche sur le sens et la signification de la vibration, explore sa connexion avec notre être intérieur et propose des techniques pratiques pour augmenter notre fréquence vibratoire. En adoptant ces outils, nous pouvons nourrir la conscience de soi, améliorer la croissance personnelle et forger une connexion puissante avec notre véritable essence. 1. Comprendre le concept de vibration, explorer sa signification. Définition des vibrations. Vibration. C'est un de ces mots qui sonne un peu mystique, comme quelque chose qui sort du manuel d'un hippie. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? En termes simples, la vibration fait référence au mouvement ou à l'oscillation de quelque chose. Dans le contexte de notre être intérieur, il fait référence à l'énergie que nous émettons et à la fréquence à laquelle nous opérons. La science derrière les vibrations. D'accord, alors peut-être que ce ne sont pas tous des trucs hippie moelleux après tout. Croyez-le ou non, il existe une véritable science derrière les vibrations. Tout dans l'univers, des atomes les plus minuscules aux galaxies les plus grandioses, est dans un état constant de vibration. Même nos corps et nos cerveaux émettent leur propre fréquence unique. C'est comme si nous faisions tous partie d'une symphonie cosmique. Le rôle des vibrations dans notre vie quotidienne. Maintenant que nous savons ce qu'est la vibration et qu'il ne s'agit pas simplement d'un concept féerique, parlons de son rôle dans notre vie quotidienne. L'énergie que nous émettons affecte les personnes et les situations que nous attirons. Avez-vous déjà entendu l'expression semblable s'attire? Eh bien, c'est vrai. Si nous vibrons à basse fréquence, nous sommes plus susceptibles d'attirer des expériences et des personnes négatives. Mais si nous élevons notre vibration, nous nous ouvrons à plus de positivité et de bonté. 2. Explorer le lien entre la vibration et notre être intérieur. La vibration comme reflet de l'état intérieur. Notre vibration est comme un miroir qui reflète notre état intérieur. Si nous nous sentons stressés, anxieux ou en colère, nos vibrations seront faibles. D'autre part, lorsque nous sommes calmes, joyeux et en paix, nos vibrations seront élevées. Il est important de prêter attention à notre état intérieur car il impacte directement l'énergie que nous émettons et les expériences que nous attirons. Comment les fréquences vibratoires affectent notre bien-être émotionnel et mental? Avez-vous déjà remarqué à quel point le fait d'être entouré de certaines personnes ou dans certains environnements peut soit élever, soit drainer votre énergie? En effet, différentes fréquences vibratoires peuvent avoir un effet profond sur notre bien-être émotionnel et mental. Lorsque nous nous entourons de personnes dynamiques et que nous nous engageons dans des activités qui correspondent à notre vrai moi, nous nous sentons plus heureux, plus inspirés et mentalement plus affûtés. 3. L'impact d'une énergie vibratoire élevée sur la croissance personnelle et le bien-être. Avantage du fonctionnement à un niveau vibratoire élevé. Le fonctionnement à un niveau vibratoire élevé présente des avantages assez impressionnants. Tout d'abord, il améliore notre croissance personnelle et notre bien-être. Lorsque nous vibrons à une fréquence élevée, nous devenons plus résilients, créatifs et intuitifs. Nous avons un plus grand sens de la clarté et du but, ce qui nous permet de relever les défis de la vie avec grâce et facilité. Comment l'alignement vibratoire améliore la conscience de soi? L'alignement vibratoire, ou se synchroniser avec notre vrai moi, est un puissant catalyseur de la conscience de soi. En augmentant nos vibrations, nous devenons plus en phase avec nos émotions, nos pensées et nos désirs. Nous acquérons une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce qui nous apporte vraiment joie et épanouissement. C'est comme éplucher les couches d'un oignon et découvrir notre moi authentique. Le lien entre l'énergie vibratoire et la manifestation. Avez-vous déjà entendu parler de la loi de l'attraction? Eh bien, c'est étroitement lié à l'énergie vibratoire. Lorsque notre vibration est alignée sur nos désirs, nous devenons de puissants manifesteurs. L'univers répond à notre énergie et nous apporte des opportunités, des personnes et des circonstances qui correspondent à notre vibration. Donc, si nous voulons manifester nos rêves et nos objectifs, il est essentiel d'élever notre vibration et de maintenir cette fréquence élevée. 4. techniques pour augmenter votre vibration et vous connecter avec votre moi profond. Pratiquez la pleine conscience et la présence. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'augmenter notre vibration est la pleine conscience et la présence. En ramenant notre conscience au moment présent, nous nous déconnectons des soucis du passé et du futur. Nous pouvons le faire par la méditation, la respiration profonde ou simplement en prêtant attention à notre environnement. Plus nous sommes présents, plus notre vibration devient élevée. S'engager dans un discours intérieur positif et des affirmations. Nos pensées ont un impact profond sur notre vibration. S'engager dans un discours intérieur positif et des affirmations peut aider à faire passer notre état d'esprit du négatif au positif. En choisissant consciemment des pensées stimulantes et en affirmant notre valeur et nos capacités, nous élevons notre vibration et cultivons une vision plus optimiste de la vie. Cultiver la gratitude et la joie. La gratitude et la joie sont comme des super aliments vibratoires. Lorsque nous cultivons un état d'esprit reconnaissant et joyeux, nous élevons instantanément notre vibration. Prenez un moment chaque jour pour apprécier les plaisirs simples, exprimez votre gratitude pour ce que vous avez et trouvez de la joie dans les petites choses. C'est un moyen infaillible de se connecter avec votre moi profond et d'opérer à partir d'un lieu de vibration élevée. Donc, que vous soyez un chercheur spirituel ou un sceptique curieux, on ne peut nier l'impact des vibrations sur nos vies. En comprenant et en élevant consciemment notre vibration, nous pouvons nous connecter avec notre moi profond et créer une vie remplie de bonheur, de croissance et d'épanouissement. Il est temps d'augmenter le volume de notre fréquence intérieure et de laisser briller notre vrai moi et sensibilité. Équilibrer rationalité et intuition pour une approche holistique. S'entourer d'énergie de soutien, construire une tribu vibratoire. Cultiver des relations avec des âmes partageant les mêmes idées. Créer des espaces sacrés pour nourrir l'autoconnexion. Demander conseil aux mentors et aux enseignants. 5. Nourrir la conscience de soi, cultiver une connexion plus profonde avec votre véritable essence. Dans notre monde trépidant et souvent chaotique, il est facile de se perdre de vue et de se déconnecter de sa véritable essence. Nourrir la conscience de soi est la clé pour cultiver une connexion plus profonde avec notre moi intérieur. En réfléchissant à nos valeurs et croyances fondamentales, en approfondissant notre compréhension de soi par l'autoréflexion et en honorant notre authenticité et notre individualité, nous pouvons ouvrir la porte à une vie plus significative et plus utile. 6. Découvrir le pouvoir de la méditation et de la pleine conscience dans l'élévation des fréquences vibratoires. La méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour élever nos fréquences vibratoires et se connecter à notre moi profond. En explorant différentes techniques de méditation pour l'alignement vibratoire et en incorporant des pratiques de pleine conscience dans notre vie quotidienne, nous pouvons éveiller notre sagesse intérieure et ressentir un profond sentiment de paix et de clarté. Grâce à la méditation, nous pouvons améliorer notre connexion à notre moi profond et découvrir le potentiel illimité en nous. 7. Embrasser le rôle de l'intuition et de la conscience énergétique dans l'amélioration de l'autoconnexion. L'intuition et la conscience énergétique jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de notre connexion à soi. En faisant confiance et en développant nos capacités intuitives et en cultivant la conscience et la sensibilité énergétique, nous pouvons puiser dans les énergies subtiles qui nous entourent et acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Équilibrer rationalité et intuition nous permet d'aborder la vie avec une perspective holistique, nous permettant de prendre des décisions fidèles à notre moi authentique. 8. S'entourer d'énergie de soutien, construire une tribu vibratoire. Construire une tribu vibratoire est essentiel pour soutenir notre cheminement vers la connexion à soi. En cultivant des relations avec des âmes partageant les mêmes idées, en créant des espaces sacrés pour nourrir l'autoconnexion et en recherchant les conseils de mentors et d'enseignants, nous pouvons nous entourer d'énergie de soutien qui nous élève et nous inspire. Ensemble, nous pouvons créer un environnement harmonieux et stimulant qui alimente notre croissance personnelle et nous aide à rester connectés à notre moi profond. En conclusion, embrasser l'augmentation des vibrations et se connecter avec notre moi profond est un voyage transformateur. En comprenant le concept de vibration, en explorant sa connexion avec notre être intérieur et en augmentant activement notre énergie vibratoire, nous pouvons libérer notre véritable potentiel et faire l'expérience d'une profonde croissance personnelle. Grâce à la pleine conscience, à la méditation, à l'intuition et à un engagement envers la conscience de soi, nous pouvons cultiver un lien profond avec notre essence authentique. En nous alignant avec notre moi profond, nous puisons dans une source de sagesse, de joie et de but qui nous guide sur notre chemin vers l'épanouissement. Alors, embrassons le pouvoir des vibrations et embarquons dans un voyage de découverte de soi et de transformation. FAQ. 1. Que signifie élever votre vibration? Augmenter votre vibration fait référence à l'augmentation de votre fréquence énergétique pour vous aligner sur des états de conscience plus élevés et des émotions positives telles que l'amour, la joie et la gratitude. En augmentant votre vibration, vous augmentez votre bien-être général et vous connectez plus profondément avec votre moi authentique. 2. Comment la pleine conscience et la méditation peuvent-elles nous aider à nous connecter avec notre moi profond? La pleine conscience et la méditation sont des pratiques puissantes qui vous permettent de cultiver l'immobilité intérieure, la présence et la conscience de soi. En calmant l'esprit et en vous concentrant sur le moment présent, vous créez un espace pour vous connecter avec votre moi profond, écouter votre intuition et gagner en clarté sur vos véritables désirs et objectifs. 3. Est-ce que n'importe qui peut élever sa vibration et se connecter avec son moi profond? Oui, absolument. Élever votre vibration et vous connecter avec votre moi profond est un voyage dans lequel tout le monde peut s'embarquer. Cela nécessite une volonté d'explorer et de pratiquer diverses techniques, telles que la méditation, la pleine conscience et l'autoréflexion. Avec dévouement et engagement, n'importe qui peut puiser dans son essence authentique et expérimenter une connexion profonde avec son moi profond. 4. Combien de temps faut-il pour ressentir les effets de l'élévation de votre vibration? Le temps nécessaire pour ressentir les effets de l'augmentation de votre vibration peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent remarquer des changements immédiats dans leur énergie et leur bien-être, tandis que d'autres peuvent connaître des changements plus graduels au fil du temps. Il est important d'être patient et cohérent dans vos pratiques, car les avantages de l'augmentation de votre vibration se manifestent souvent progressivement et de manière inattendue. Faites confiance au processus et permettez-vous d'embrasser pleinement le voyage de découverte de soi et de connexion à votre moi profond. Page 6 section 2, nous allons explorer les bénéfices de la montée en vibration. Page 6 section 2.